بسم الله الرحمن الرحيم. سنخوض اليوم المسألة 27. Vers cette masala. Mais comme je l'ai déjà cité auparavant, il y a des masala des fois qu'on saute. C'est pour ça que l'ordre parfois peut-être paraître désordonné. Et ce n'est pas désordonné, c'est volontaire. Il y a des masala des fois on ne lit pas. Pour les asbab déjà cités au début. Lorsque nous avons commencé le livre. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل. Quand Allah عز وجل dans le sens où il dit et qui vous a été prescrit le talion lors du meurtre, lorsque des gens ont été tués. Sourate al-Baqara, verset 178. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لابد منه بدليل قوله تعالى كتب عليكم. Donc ce verset dans son apparent laisse entendre que le qisas, on appelle le talion, est une chose qui est obligatoire. Dans le sens où il dit كتب عليكم, et vous a été prescrit. Et cette formule كتب عليكم, pour ceux qui ont l'occasion d'étudier Usul al-Fiqh, ils sauront que c'est parmi les formules de généralité, d'obligation en fait. Parmi les formules de amr, d'ordre qui amène à l'obligation. Kutiba alaykum. Qala liyanna ma'nahu furida wa hutima alaykum. Ma'annahu ta'ala zakara aydha anna al-qisas laysa bimuta'ayyin. Liyanna waliya d-dam bil-khiyar. في قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء. Donc le sens de ce verset laisse entendre l'obligation. Tout en sachant qu'Allah Azza wa Jal dans d'autres versets a cité que les alliés, les proches de celui qui a été tué ont le choix. Par rapport au talion. Le choix leur revient. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit, et celui qui a pardonné à son frère en quelque bonne façon. Également sur la Surat al-Baqarah, verset 178. Donc là, qu'est-ce qui nous apparaît? D'un côté, comme quoi que le talion serait obligatoire, et de l'autre côté, que les awliyas du maqtoul, c'est-à-dire les proches de celui qui a été tué, ont le choix. قال والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم. Donc maintenant la réponse elle est claire, c'est tout simplement que l'obligation du qisas, celle-ci s'applique obligatoirement dans quel sens? Lorsque les proches de celui qui était tué ne pardonnent pas. Il faut qu'il y ait unanimité des proches concernés pour que le pardon et la grâce soient appliqués. Si certains d'entre eux ne pardonnent pas, le qisas doit être appliqué, obligatoirement. كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. Et celui qui était tué injustement, nous avons certes déjà donné le pouvoir, c'est-à-dire par la législation, l'autorité, à son wali, à son proche, donc pas d'excès dans le meurtre. C'est-à-dire que celui qui a un proche qui a été tué, la législation est avec lui et le soutien dans son choix, soit le talion, ou soit le pardon, ou soit le prix du sang en fonction des conséquences. Quoi qu'il en soit, une fois que cela lui revient, il lui n'a pas à dépasser, à outrepasser les limites. Donc là, le khulasa, c'est que le verset dit que le qisas est obligatoire. À quel moment? À partir du moment où les awliyas n'ont pas pardonné. S'ils pardonnent, et c'est-à-dire le choix du pardon leur revient. S'ils veulent, ils pardonnent, ils gracient, et s'ils veulent, ils demandent leurs droits. Naam, hadha huwa al-jambayna al-ayat. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.